bienvenue à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie. Lors de chaque émission, nous allons aborder une thématique spécifique. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la profession de notaire. Alors bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors, ils sont près de 17 000 notaires en France, employant environ 60 000 salariés. C'est le point de passage obligé lors de l'acquisition d'un bien immobilier, de la gestion d'une succession ou de la gestion d'un acte de donation, en sachant que les notaires sont également disponibles pour tout renseignement d'ordre juridique. Alors, c'est l'occasion de décrypter ce métier au cours de cette émission de l'Instant Éco et on va tenter d'être le plus clair possible avec notre invité, donc Maître Ollier, qui est président de la Chambre des notaires et notaire à Remiremont. Bonjour, Maître Ollier. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir et d'accueillir la profession de notaire. Eh bien, merci d'avoir accepté donc notre invitation. Alors, au cours de cette émission, nous allons accueillir également des étudiantes du BTS collaborateur juriste notarial qui vont co-animer cette émission en posant justement des questions à donc Maître Ollier. Et nous parlerons également formation avec la présence donc d'Isabelle Munier qui est professeure en BTS collaborateur, donc juriste notarial à Nancy. Alors, Maître Ollier, on va tout d'abord tenter de mieux vous connaître. Dans quelles circonstances avez-vous été attiré par le monde du notariat ? Alors tout simplement, après le bac, j'ai décidé de faire la fac de droit. Et c'est vrai que la fac de droit, c'est assez généraliste. Donc j'avais connaissance de quelques professions, magistrat, avocat, notaire, effectivement. Et tout au long du cursus de la fac, ça m'a permis de découvrir un peu plus cette profession et de me tourner donc vers un métier où on rédige des contrats, on est beaucoup au contact des clients. Moi, c'est ça aussi qui m'attirait beaucoup dans ce métier, c'est que on est très très souvent au contact de la clientèle. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui m'a fait me tourner vers le notariat. Puis profession libérale qui me plaisait bien également. Donc un métier donc diversifié. Alors justement, pourriez-vous nous définir en quelques phrases votre métier au quotidien ? Alors, au quotidien, donc le notaire donc est une profession libérale, mais qui exerce une fonction de service public, puisque nous sommes les représentants de l'État et le rôle du notaire, c'est de signer des contrats authentiques. Lorsque le notaire signe un contrat, c'est l'État qui signe, et les contrats qui sont signés ont valeur de loi. On intervient sur différents domaines, effectivement, très diversifiés, comme bien entendu la vente immobilière pour une des principales fonctions, et puis le droit de la famille, succession, donation, gestion de patrimoine, et également une autre grosse branche d'activité, c'est le commerce avec les cessions de fonds de commerce, sociétés, cessions d'entreprise. Très bien. Alors, avant d'aborder les enjeux actuels auxquels sont confrontés justement les notaires, pouvez-vous évoquer donc votre plus beau souvenir professionnel ? Alors, il y en a un certain nombre. J'ai envie de dire, j'aime bien, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec le contact avec la clientèle, j'aime bien quand on a des dossiers un peu conflictuels et qu'on arrive à la fin à trouver une solution, notamment en droit de la famille, dans les successions difficiles. Donc ça, c'est toujours un aboutissement heureux. Mmh. Et alors, une chose qui m'avait un peu marqué, c'est qu'on reçoit également des contrats de PACS. C'est pas uniquement en mairie qu'on dépose son contrat, on peut et on doit même aller le faire chez un notaire. Une fois, mes clients sont arrivés et ils sont arrivés avec des amis, avec du champagne, etc. Et on s'est retrouvés dans le bureau à faire un peu comme un mariage. Je me suis senti presque maire célébrant un mariage. C'était très très sympa comme moment. Très bien. Alors, le quotidien n'est toujours pas facile non plus. Alors, le pendant du plus beau souvenir, ça va être, vous évoquez un petit peu une situation où vous avez rencontré un réel souci. Alors, un réel souci, j'ai cherché pour répondre à cette question, et puis finalement, il y a quelque chose qui m'est apparu comme évident. J'ai eu une succession à régler qui s'est ouverte en 2012 ou 2013, je ne sais plus, qui est toujours pas réglée, et on a été obligé de faire un inventaire successoral, et lors de cet inventaire, on a été obligé d'aller chercher la police pour séparer les héritiers, parce que vraiment, ça se passait très, très, très, très mal. D'accord. Voilà. Donc ça fait 10 ans qu'ils sont en... Et ça fait 10 ans qu'ils sont en conflit. Et je crains malheureusement que je ne vois pas l'issue du conflit. Bon, j'espère que... Je suppose que vous avez quand même de plus beaux souvenirs que de ces situations complexes comme celle-ci. Alors, passons maintenant aux questions donc, posées par les étudiants qui se destinent donc, à terme à devenir donc, collaborateurs de notaire. Alors, pour le moment, ces étudiantes sont en BTS, collaborateurs juristes donc notarial. On accueille donc Flora et Margot. Elles sont également donc apprenties donc chez Maître Ollier et donc nous allons donc les retrouver pour donc une série de questions. Alors je crois que c'est Flora qui commence. Oui, c'est ça. Alors Maître Ollier, pouvez-vous nous décrire une journée type à l'étude ? Alors une journée type à l'étude, chez nous on commence très souvent par une petite réunion avec mes deux autres associés lors de l'ouverture du courrier et puis après on va enchaîner des rendez-vous de renseignements auprès des clients, de signature des actes qui ont été préparés préalablement et puis tout ça ponctué par des points réguliers qui sont faits avec les collaborateurs sur l'avancement des dossiers. En travaillant dans une étude, pouvez-vous nous préciser les différentes branches du droit que le notaire traite ? Alors, principalement droit immobilier, avec les ventes immobilières. Et puis, mais les ventes immobilières, c'est très très varié également, hein, parce qu'on a les ventes de terrains agricoles, des ventes de maisons, d'appartements, des ventes qu'on appelle les ventes en état futur d'achèvement, ventes sur plan, hein, tout ça, donc c'est très très varié. Le droit de la famille, bien entendu, avec les successions, les donations, toute la gestion des conflits familiaux ou des moments plus heureux avec les mariages, contrats de mariage, pacs, etc. Et donc ça, c'est deux domaines qui sont des domaines un petit peu, entre guillemets, réservés du notariat, puisque pour faire ces actes-là, on est obligé de passer par un notaire. Et puis d'autres domaines qui sont en concurrence avec d'autres professions, c'est cession de fonds de commerce, constitution de société, cession d'entreprise, gestion patrimoniale. Alors, le droit évolue sans cesse. Quels sont vos secrets pour vous tenir informé des nouvelles lois ? Alors, c'est pas vraiment un secret, parce que je crois que tous les notaires font pareil, mais des formations régulières, bien entendu. Et puis, la lecture de quotidiens ou de journaux spécialisés dans le droit pour se tenir informé des lois qui paraissent régulièrement et de la jurisprudence, hein, puisque c'est très, très important également de tenir compte des décisions de justice. D'accord. Alors, comme toute profession, des erreurs peuvent être commises, donc sur le plan professionnel. À quelle responsabilité devez-vous faire face ? Alors, on essaye d'éviter les erreurs. malheureusement, de temps en temps, ça peut arriver. Donc, c'est la responsabilité professionnelle qui est couverte dans le notariat, hein, puisque nous avons une assurance qui peut prendre en charge l'indemnisation des clients lorsque le notaire peut faire une erreur. Donc c'est essentiellement là, cette responsabilité professionnelle. Lorsque malheureusement, dans le cadre de notre profession, parce que on a raté un élément juridique ou une circonstance fait que le client doit être indemnisé, voilà. À partir du moment où on est dans une faute qui est volontaire, je dirais, un notaire qui serait vraiment malveillant, qui volerait ses clients ou qui ferait de la surfacturation alors qu'il n'a pas le droit de le faire, là, c'est plus la même chose, c'est du pénal. Et donc là, on a une responsabilité professionnelle qui peut aller jusqu'à des sanctions comme la suspension temporaire ou la destitution du notaire. Alors, existe-t-il alors donc une obligation justement de formation pour les collaborateurs qui travaillent dans votre étude pour justement éviter donc ce type d'erreur ? Parce que par exemple dans la profession d'agent immobilier, il y a une obligation de formation. Oui. Alors chez nous aussi, il y a une obligation de formation pour les notaires. on est obligé d'avoir un certain nombre d'heures de formation pour tous les notaires. Pour les collaborateurs, je dirais qu'il n'y a pas d'obligation légale. Maintenant, bien entendu, nous, en tant que notaires, on incite tous nos collaborateurs à faire des formations régulières parce qu'il faut aussi qu'ils se tiennent informés hein, de toutes les évolutions législatives. Très bien. En plus de votre rôle de notaire, s'ajoute celui du président de la Chambre. Pouvez-vous nous préciser quelles sont les principales fonctions de cette Chambre ? Alors, la Chambre des notaires regroupe donc tous les notaires d'une compagnie. La compagnie, c'est les notaires sur le ressort de la Chambre. Donc nous, c'est Meurthe-et-Moselle, Vosges et Meuse. Et on s'occupe... de la discipline, malheureusement, hein, parce qu'il faut aussi faire respecter les fonctions qui incombent à tous les notaires. La formation que l'on donne à l'ensemble des notaires de la compagnie. L'organisation de la profession, la gestion, l'arrivée des nouveaux notaires, hein, puisqu'on a quand même beaucoup de nouveaux notaires, notaires associés ou notaires salariés. C'est très diversifié comme fonction. C'est essentiellement ce genre de choses. Et puis l'organisation des assemblées générales, puisque deux fois par an, il y a une assemblée générale des notaires au cours de laquelle on va faire état des évolutions de la profession auprès de tous nos notaires, leur donner de nombreuses informations sur la profession. Très bien, donc on va reprendre dans quelques instants cette discussion, mais on a l'habitude dans l'instant écho de demander à notre invité donc ses coups de cœur musicaux. Alors Maître Ollier, quel a été votre premier coup de cœur musical ? Alors j'ai beaucoup cherché, je suis revenu très en arrière avec un groupe Dire Straits que j'aime beaucoup, moi qui me détend beaucoup, et puis un titre en particulier, Sultan of Swing, qui est un des titres emblématiques de ce groupe. Eh bien donc découvrons tout de suite donc votre coup de cœur donc musical. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well now you step inside, but you don't see too many faces coming in out of the rain. They hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Sultans, we're the sultans of swing. Voilà, c'était donc Sultan of Swing de Dire Straits, qui était donc le premier coup de cœur donc de notre invité, donc Maître Ollier. Vous écoutez Fadjet. Vous êtes en effet donc sur Radio Fadjet et vous écoutez donc l'Instant Éco, dont l'ambition est de vous rendre sympathique l'économie. Et donc dans la première donc partie de l'émission, on a parlé donc du métier de notaire. On va continuer notre entretien avec mon maître Ollier, qui est président de la Chambre des notaires et notaire à Remiremont. Alors maître, on constate donc une nouvelle approche en termes de travail de la part des salariés. Hein, en témoigne ces derniers mois donc la multiplication des démissions, la montée de l'absentéisme. Alors est-ce que vous constatez cette tendance dans votre étude ? Alors, dans mon étude, par chance, non, pas trop. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché est très tendu et le recrutement dans tous les domaines, et notamment dans le domaine du notariat, est assez compliqué. Ça, j'avoue. Alors, dans les grandes villes, on voit qu'il y a ce qu'on appelle le mercato du notariat avec effectivement des salariés qui vont aller peut-être chercher ce qu'ils pensent meilleur ailleurs et en démissionnant, en essayant de se faire embaucher dans d'autres études qui leur apporteront une meilleure condition de travail ou une meilleure paye, peut-être. Voilà. Donc globalement, vous avez quand même des difficultés, comme dans beaucoup de secteurs, à recruter. Énormément, énormément. Moi, j'étais à la recherche d'un salarié depuis le mois de janvier. On a, en plus, Remiremont, pourtant, ce n'est pas une petite ville, mais c'est assez éloigné des grandes villes pour ne pas assez attirer les étudiants. Et on a eu la chance de pouvoir admettre deux jeunes BTS au sein de l'étude qui vont faire beaucoup de bien. Ah ben justement, donc pour pouvoir recruter à l'avenir de nouveaux professionnels, rien de tel qu'une formation alliant donc théorie et pratique. Alors on accueille dans les studios de Fadjet une autre étudiante, hein, Margot, qui elle aussi donc suit une formation en BTS collaborateur, donc juriste notarial, et qui est également apprentie. Bonjour Margot. Alors donc, pouvez-vous nous présenter donc en quelques mots donc ce BTS collaborateur juriste notarial? Tout simplement, il commence la formation des futurs collaborateurs, ou plus communément appelé clerc de notaire. Ce métier consiste à accompagner les clients pour qu'ils puissent acheter un bien immobilier, par exemple. Donc on va rechercher toutes les informations nécessaires, comme les pièces d'identité, les actes de naissance, actes de mariage ou les titres de propriété, à la rédaction de l'acte de vente, qui sera ensuite signé avec le notaire. Qui peut rejoindre ce BTS ? Absolument tout type de profil, que ce soit du lycéen venant d'obtenir son baccalauréat à l'étudiant qui n'a pas trouvé sa place en fac de droit ou toute autre formation. Oui, donc et je suppose qu'il y a des qualités quand même spécifiques compte tenu de la profession que vous allez exercer. Ce n'est pas un secret, le monde du droit, de manière générale, est connu pour sa rigueur. C'est pourquoi des qualités essentielles sont à avoir ou à développer afin de pouvoir réussir au mieux. Ainsi, ponctualité, organisation et dynamisme sont importants car le contact avec le client est fréquent. Ce contact engendre bien évidemment une obligation de respect, de politesse, une attitude professionnelle envers les clients. Alors on a parlé théorie, pratique, alors des conseils là aussi pour des recherches de stage ou de contrat d'apprentissage pour les futurs étudiants qui seraient intéressés par votre formation? Dans un premier temps, il est primordial de rechercher en amont de sa date de stage ou apprentissage une étude notariale. Les réponses peuvent se faire rares, dues à la charge de travail, et c'est pourquoi il ne faut absolument ne pas se décourager. Envoyez de nombreux CV, personnellement j'en ai envoyé plus d'une trentaine pour avoir que quelques réponses et une seule réponse positive. C'est essentiel. Et des lettres de motivation sans faute d'orthographe. Partout où vous le pourrez, et déplacez-vous au sein des études notariales en ayant une tenue et une attitude adaptées. Une fois l'étude trouvée ou votre candidature acceptée par Parcoursup, vous allez être formé au sein du lycée Georges de la Tour à Nancy, qui accueille deux sections, une en apprentissage, dont je fais partie, et une en initiale. Pour la formation, je vais donner la parole à Madame Munier, qui enseigne le droit et les techniques notariales. Alors bonjour. En effet, au lycée Georges de la Tour, nous accueillons cette formation depuis 2009 à la demande de la profession. C'est la profession qui a créé ce BTS CJN, puisqu'il s'appelle collaborateur juriste notarial, anciennement le BTS notariat. Nous accueillons cette année 58 étudiants en première et en deuxième année, en formation initiale ou en alternance. Il s'agit évidemment d'une formation essentiellement juridique, une partie théorique qui porte sur le droit général, le droit de la famille, le droit immobilier, hein, énormément de droit immobilier évidemment, droit des sociétés, et une formation plus pratique où l'étudiant va apprendre à faire des formalités pour lui permettre de rédiger des actes, actes de vente, de mariage, donation, pax, hein, tout ce dont on a déjà parlé. Les étudiants vont également faire du français, car la rédaction et l'orthographe sont très importants dans cette profession. Et ils vont également faire de l'anglais et de l'économie. Et je crois que dans cette formation, vous proposez justement donc des outils pour pouvoir améliorer le niveau en orthographe. Tout à fait. Les étudiants sont inscrits au projet Voltaire pour améliorer leur orthographe et leur syntaxe. Ce qui leur donne une certification, je crois que vous pouvez valoriser sur le CV, notamment dans le domaine. On fait passer une certification au projet Voltaire en fin de première année. Oui. Et alors, après l'obtention de ce BTS, alors je suppose qu'il y a des études possibles, des poursuites d'études possibles. Alors, tout à fait. Les étudiants peuvent continuer en licence et en master en droit notarial, et en alternance ou en initiale, comme ils le souhaitent. Alors, justement, on assiste, Maître Ollier, depuis donc 2 ans à l'explosion de l'apprentissage. Alors, que pensez-vous de cette formation? D'ailleurs, vous avez eu recours donc à cette formation en accueillant donc nos deux étudiantes. Moi, j'y suis très favorable, d'autant que le notariat, de toute façon, est une profession que l'on apprend sur le tas, que ça soit pour les collaborateurs ou les notaires. Quand on sort de la fac de droit, honnêtement, on sait des choses théoriques, mais le vrai métier du notariat, on l'apprend dans les études. Donc, c'est vraiment une très bonne chose que de faire cet apprentissage par alternance, notamment. Alors, l'alternance, c'est un peu compliqué à gérer pour nous, patrons, mais je pense aussi pour les étudiants, parce que c'est vrai qu'on leur demande tout de suite beaucoup, beaucoup de choses, et il faut que les étudiants gèrent et leurs études et les dossiers qu'on leur confie. Mais bien entendu, non, c'est une excellente formation et moi, je ne peux être que favorable à l'apprentissage. C'est vraiment très, très bien. Oui, c'est vraiment une stratégie gagnant-gagnant, hein, de chaque côté. Tout à fait. Bah, j'espère, en tout cas. Oui, bah, oui. Mais c'est vrai que on peut... Évidemment qu'il faut avoir les bases théoriques, mais savoir rédiger un acte, avoir le contact avec la clientèle, ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend que quand on est confronté à ce genre de choses. Et quand on est confronté aux difficultés, je dirais, d'un dossier, et même aux petites erreurs que l'étudiant va faire, parce que forcément, il y en aura tout au long de sa carrière. Mmh. Et c'est avec ces erreurs qu'on apprend, et puis on les fait plus, et puis voilà. Très bien. Alors, dans quelques instants, pour la dernière partie d'émission, on reviendra sur les enjeux auxquels les notaires sont confrontés, mais on va passer maintenant à notre deuxième coup de cœur, Maître Ollier. Vous avez choisi? Ah, j'ai choisi Jean-Jacques Goldman. Je ne pouvais pas trop faire autrement, c'est ma génération. Et donc, on va écouter quel titre? Nos mains. Eh bien, écoutons votre deuxième coup de cœur. Et des ongles faits pour griffer. Voilà, c'était donc Jean-Jacques Goldman de Nos Mains qui était donc le deuxième coup de cœur de notre invité, donc Maître Ollier. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Alors avant de terminer l'émission, je voudrais également parler du contexte dans lequel effectivement évoluent les études de notaire. Alors avantage par rapport à la profession comme les agents immobiliers, il n'y a pas de risque de voir apparaître de nouveaux concurrents sur le net, car votre profession est quand même assez réglementée. Toutefois, la loi dite Macron de 2015 a libéralisé en partie votre profession. Alors pourriez-vous nous dire un petit peu en quelques mots où en est cette libéralisation ? Alors. Oui, effectivement, il y a eu une volonté de créer de nouvelles études parce que il apparaissait au gouvernement qu'il manquait peut-être une offre. Alors, nous, sur le coup, on était un peu réticents. Il se trouve que la plupart des créations fonctionnent et que il y avait effectivement certainement un petit manque d'offres de notaires. Maintenant. Pour agrandir un peu plus, on est quand même confronté également au net parce que on a en ligne de mire la concurrence des blockchains éventuellement pour l'authentification des actes, et on est très vigilant à ce genre de choses. Et puis beaucoup de sociétés satellites qui vont intervenir dans la rédaction des compromis de vente. Faites votre compromis vous-même, faites votre testament vous-même. Ah, et oui. Et ça, voilà, c'est des choses sur lesquels on porte un regard parfois bienveillant, parfois critique. Très bien. Et je crois qu'il y a une dernière question qui peut être posée. Alors, personnellement, j'ai encore une question. J'ai l'impression, en effectuant mon travail, que les actes qui dominent sont en effet des actes portant sur l'immobilier. Est-ce vraiment le cas ? C'est différent d'une étude à l'autre, mais oui, on va dire que c'est essentiel. Enfin, beaucoup, majoritairement de l'immobilier, mais le droit de la famille est très très important aussi. Après, vous débutez, on commence par vous donner les dossiers de droit de l'immobilier pour vous apprendre à demander les pièces, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez avoir des dossiers de succession à gérer, des choses comme ça, et vous allez vous rendre compte que le droit de la famille prend une place très très importante chez le notaire. Et c'est bien parce que dans le contexte actuel où le marché immobilier est moins porteur, ça vous permet donc de pouvoir compenser éventuellement. Exactement, voilà. Un secteur d'activité moins porteur. Vous constatez une baisse actuellement On voit que oui, les compromis commencent à être un peu moins fréquents et on nous prédit une année 2023 un peu moins bonne au niveau de l'immobilier, mais ce qui est normal parce que là on a eu deux ans complètement fous, assez anormaux. Et oui, on va avoir certainement une petite baisse de l'immobilier et donc également une baisse certainement des valeurs, des prix de l'immobilier. Très bien, maître. Ben merci donc d'avoir accepté notre invitation pour cette instant. Merci à vous de votre invitation. Isabelle Munier et puis les étudiantes du BTS collaborateur juriste notarial, ben merci aussi d'avoir participé à cette émission. Merci. Isabelle Munier, vous pouvez simplement rappeler l'adresse de votre centre de formation. Alors le lycée, c'est le lycée Georges de la Tour qui se situe rue Croix-Saint-Claude à Nancy. Eh bien, très bien. Alors, en espérant avoir éclairé au mieux les auditeurs sur le métier de notaire, n'hésitez pas donc à faire vos commentaires sur la page de Facebook de Radio Fadjet et nous faire part des suggestions sur des thèmes que vous souhaitez voir abordés donc dans cette émission. Rendez-vous donc le mois prochain et d'ici là, n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet. Non, c'est bon. Ben, on va jouer pour faire...